Exercice 1, page 163. A. Roi, loi. B. Lent, lent. C. Pour, pour. D. Lire, rire. E. Cela, sera. F. Malin, marin.